Telbina, telbina rawada. Telbina rawada ning fake ben carton bu nga xam ni ngi def 48 ki 4 x 12 moy moy 2. Yani 48 paquet lay def. Lol non ben bu nek mi ngi diké 450 après 450 francs CFA. 450 francs CFA. Moy dim telbina bi. Telbina rawada. Aw rawda wala ma adri nasit.